qu'est-ce qui distingue le bon goût du mauvais goût? Le mauvais goût, c'est toujours celui des autres et de ceux dont on veut justement se distinguer. La distinction, c'est le titre d'un livre de Pierre Bourdieu qui paraît en 1979 et dans lequel il montre que les goûts et les dégoûts de chacun expriment une position dans le monde social. Le livre propose une description de la société française des années 60 et 70 dans des domaines très différents. La peinture, la musique, l'habillement, la cuisine, la chanson, la cosmétique, le sport. Et si le goût était avant tout une question de classe sociale, bien entendu? Est-ce que ça veut dire que nous serions tous snobs? On commence en 1961 avec Les Snobs de Jean-Pierre Mocky, où le parapluie soudain supplante la cravate et où le patron meurt en tombant, comble du mauvais goût, dans une cuve de lait. Voyez-vous, Dufaux, j'ai beaucoup aimé les femmes. Oui, monsieur le directeur général. J'en ai aimé des dizaines, peut-être même des centaines. Oui, monsieur le directeur général. Mais voyez-vous, Dufaux, ce que j'ai le plus aimé dans ma vie, c'est mon parapluie. Monsieur le directeur général, théorie audacieuse. Jusqu'à ce jour, j'identifiais style, classe et cravate. Bien plus qu'à sa cravate, c'est à son parapluie qu'on distingue l'homme de qualité. En somme, déplacer cette cuve, c'est blackbouler totalement notre système de canalisation. Et tout ça, c'est jeter de l'argent dans les fenêtres. Quand ce sera fini, ce sera percutant. Dieu vous entende, Dufaux. Et vous, Courtin, qu'en pensez-vous? Si les cuves avaient des roulettes, il n'y aurait plus de problème. Oh! Oh! Mon Dieu! Arrêtez les pompes! Bloquez les vannes! Trop tard! Il est passé! Sauf erreur, ça m'a tout l'air d'être un feutre d'une excellente qualité. Le parapluie, le feutre, la cravate sont des signes extérieurs de richesse, comme le chante Johnny Hallyday sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Bonjour Gisèle Sapiro. Bonjour. Bienvenue sur Les Chemins de la Philosophie. Vous êtes sociologue, directrice de recherche au CNRS et directrice d'études à l'EHESS. Est-ce que vous aimez Johnny Hallyday? Ça me rappelle des souvenirs de jeunesse, j'aime bien, oui. Et le fait d'être libre ou non d'aimer Johnny Hallyday, enfin plutôt, sommes-nous libres de l'aimer ou non? Est-ce qu'on est forcément conditionné dans notre goût? On est conditionné, oui. Ouais. C'est pas une question de... On est libre, mais conditionné. La liberté est conditionnée. Et est-ce que ça veut dire que le fait de dire que Johnny Hallyday est de mauvais goût, par exemple, c'est déjà exprimer une position sociale? Ah, certainement, oui. Laquelle? Alors, il y a une évolution là-dessus, parce qu'aujourd'hui, il est plutôt de bon ton ne pas mépriser Johnny Hallyday, qui avait aussi introduit quand même le rock dans la variété. Il y a eu une innovation. Mais aujourd'hui, je pense qu'il serait sans doute plus distingué de ne pas afficher le mépris qui était d'usage à l'égard des goûts populaires. Mais ça veut dire que le goût n'est pas une affaire d'esthétique, n'est pas une affaire de jugement, c'est le résultat d'un conditionnement social. C'est complètement une affaire d'esthétique et de jugement. Et c'est un jugement qui est lié aux formes, aussi au contenu, mais c'est une question d'esthétique. Sauf que la compétence esthétique ou les facultés de jugement sont dépendantes de l'éducation et de la socialisation et de la façon dont on a été exposé, en fait, à ces esthétiques. Donc le coût d'entrée dans la musique contemporaine, par exemple, il est très élevé. Même pour des gens qui aiment la musique classique, c'est souvent rédhibitoire. Donc le coût d'entrée là-dedans est très élevé. Ça demande un investissement, ça demande une écoute, une attention, du temps et une tentative de compréhension. Parfois aussi une pédagogie, même si c'est quelque chose qui est nié toujours dans le jugement esthétique, la dimension pédagogique. En tout cas, pour Bourdieu, le jugement de goût est une affaire de distinction. C'est le titre du livre dont j'ai parlé, qui paraît en 1979. Comment Bourdieu définit-il la distinction, Gisèle Sapiro? Alors la distinction, c'est une notion de sens commun qui parle tout de suite. Hein. C'est une notion qui évoque la noblesse et qui a été utilisée à partir de la noblesse, on peut dire mimée par la bourgeoisie, pour se distinguer des classes moyennes et des classes populaires encore plus. Mais la distinction, c'est aussi un concept au sens cognitif du terme. C'est-à-dire, quand on perçoit, la perception même, le principe de la perception, c'est de distinguer dans le continuum des phénomènes qu'on perçoit, des formes, des catégories, des classes. Et ces catégories, ces formes, ces classes, elles nous viennent de la société, hein, comme disait Durkheim et Mauss dans leur article classique sur les formes primitives de la classification. Donc la perception même du monde est diacritique, hein, comme dit Bourdieu. Ça veut dire quoi, diacritique ? Diacritique, c'est-à-dire que la vision est à la fois division. Il faut diviser, classer, organiser en fait la perception. Et donc notre perception... Et ça, c'est là-dessus que Bourdieu a retenu la leçon du structuralisme, et notamment de la linguistique structurale, mais aussi de l'anthropologie structurale, c'est de penser que ces catégories, elles sont relatives les unes aux autres. Être vieux ne prend sens que par rapport à quelqu'un qui est plus jeune. Ça n'a pas de sens en soi. Et ça, c'est une approche qui est non essentialiste, qui est relationnelle, et qui suppose que... nos catégories de perception sont liées les unes aux autres. Donc, en fait, on a un système d'écart significatif. Comme en linguistique structurale, il y a des sons qui font sens et des sons qui sont pas pertinents, qu'on n'entend pas parce qu'ils ne sont pas signifiants pour nous. Donc, je vais prendre un exemple très simple. En français, le P et le F, c'est des sons qu'on distingue. En hébreu, par exemple, le P et le F, c'est une distinction qui ne fait pas sens parce que c'est la même lettre, en fait. Et donc, on peut la prononcer P ou F. Voilà. Et donc, ça, c'est la même chose. C'est ce que transpose, donc c'est la leçon de Saussure, mais que a transposé Lévi-Strauss à l'anthropologie structurale et que Bourdieu introduit, en fait, dans son analyse de la culture. Donc, le premier point, c'est que les pratiques se distinguent les unes des autres. Il y a un écart culturel entre jouer au tennis et jouer au football, ou entre écouter de la musique contemporaine ou des variétés, hein, ou entre lire Faulkner et lire des romans sentimentaux, ou alors un autre type de distinction, si on porte pour la période de Bourdieu une robe Yves Saint-Laurent ou une veste Jean-Paul Gaultier, on se positionne différemment, et ces biens culturels, ces pratiques culturelles sont signifiantes, elles font sens. Donc les biens et pratiques se convertissent en signes distinctifs qui oui. peuvent être des signes de distinction. Mais ça veut dire que la distinction n'est pas simplement une classification, c'est aussi une hiérarchisation. Exactement. Et donc hiérarchisation, et pas seulement hiérarchisation, mais une hiérarchisation qui est corrélée, c'est-à-dire que en fait ce que Bourdieu montre dans la distinction, c'est que il y a un rapport entre les goûts dans différents domaines. Si vous aimez l'art de la fugue de Bach, et si vous aimez Kandinsky, alors il y a de fortes chances que vous appréciez aussi les cuisines exotiques et l'alpinisme plutôt que le football en sport. Voilà, donc c'est cette relation entre différentes pratiques qui compose ce que Bourdieu appelle des styles de vie. Et ces styles de vie, donc ça c'est le deuxième point, donc ils forment une cohérence. Mais le troisième point, c'est ce que vous dites, ces styles de vie sont hiérarchisés et ils sont hiérarchisés en rapport avec les classes sociales, parce que la hiérarchie des classes est celle qui sous-tend en fait la hiérarchie de ces pratiques. Parce que pourquoi ça serait mieux de jouer au tennis que de jouer au football? Ben c'est mieux seulement parce que pour la bourgeoisie, c'est une manière de se distinguer d'une pratique qui est commune. Alors c'est aussi la question des biens rares, très peu pratiqués en fait, ou très peu utilisés, très peu consommés. Et donc cette rareté, c'est ce qui fait la valeur de ces pratiques. Et c'est pour ça aussi que quand elles sont divulguées, elles peuvent perdre cette rareté. Et donc là, on voit que c'est pas du tout essentialiste. C'est-à-dire, le tennis, qui est une pratique distinctive à un moment donné, eh ben, il peut devenir une pratique commune à un autre moment. Il y a des propriétés des objets et des pratiques elles-mêmes, mais c'est avant tout le mode de consommation qui va déterminer la hiérarchie symbolique, en fait. J'essaie de montrer que dans les classements sociaux que nous opérons, quand nous mettons une cravate, nous mettons pas une cravate, quand nous mettons une cravate à poids, une cravate unie, quand nous faisons du yoga ou du rugby, etc., tous les choix que nous faisons, qui ordinairement sont imputées au goût et aux couleurs, enfin ce sont ces choses qu'on impute au fond à la nature. En fait, je pense que tous ces choix ont leurs principes dans la société et dépendent d'une part de notre formation, de notre éducation, de notre capital scolaire, etc. Bon. Oui. Bon, mon analyse du goût va jusqu'à la dernière différence. Enfin, bon, je pense qu'on peut rendre sociologiquement compte, par combinaison de facteurs, enfin, des différences les plus singulières, les plus individuelles. Ce qui contribue à faire que le goût est vécu comme naturel. Bon, les dandys, vers 1900, allaient faire de la boxe française dans les mauvais lieux, etc. Bon, c'est une inversion tout à fait classique. C'est-à-dire, dans ces jeux de distinction où chacun se définit par rapport à celui qui est juste au-dessous, bon, hein, il y a des renversements constants. Bon, il n'y a pas des possibilités sans fin. Une fois qu'on a dit oui, on a dit oui, on a dit non, il faut redire oui. Et par exemple, le fait de revenir aux blue jeans ou de revenir à des choses apparemment populaires change complètement de sens quand le oui est une non nié, quand c'est une double négation, quand la pauvreté élective, la deux chevaux de l'intellectuel n'a rien à voir avec la deux chevaux de l'ouvrier agricole. Vous avez l'air si heureuse d'entendre la voix de Pierre Bourdieu, Gisèle Sapiro. C'est émouvant. Quels sont vos liens à Pierre Bourdieu ? Il était mon directeur de thèse. Et aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, ça reste une pensée extrêmement importante pour moi. Enfin, ça a vraiment structuré. Enfin, je venais pas de la sociologie. Hein. Je suis rentrée en sociologie en découvrant l'œuvre de Bourdieu, parce que j'ai une formation de littérature comparée et de philosophie. Et c'est cette œuvre qui m'a amenée vers la sociologie et au point de changer de discipline et de faire ma thèse sous sa direction et de devenir sociologue, voilà, donc, et ça continue à être très important. Bon, je suis toujours dans le centre qu'il a animé qui est un lieu où on est déjà quatre générations qui se succèdent, qui est une sorte d'intellectuel collectif qu'il a formé et qui continue à être extrêmement vivant. Et on a encore nos étudiants bon, on vient de finir le dictionnaire des intellectuels, international. Pierre Bourdieu. Oui. Qui va paraître dans quelques semaines aux éditions du CNRS. Voilà, il paraît très bientôt. Et dans ce dictionnaire, on a ces quatre générations. On a aussi toute une communauté internationale, en fait, de gens qui se sont imprégnés de cette pensée, de chercheurs du monde entier, qui contribuent, en fait, à une analyse de l'œuvre qui se veut pas du tout une exégèse canonique, mais qui est fournir des outils conceptuels pour naviguer dans cette œuvre et pour s'en emparer et pour en faire ce qu'elle a toujours voulu être, un programme de recherche, et pas une sorte de système de pensée figé. D'ailleurs, c'est une œuvre théorique qui s'est construite dans la pratique empirique. Hein. Beaucoup de ses concepts sont nés dans ses travaux en Algérie, au moment où il devient ethnologue, après ses années de philosophie, évidemment nourri par la philosophie, par tout ce qu'il a, tout le bagage intellectuel qu'il avait, mais qu'il investit dans cette tentative de connaître un monde totalement étranger, mais qui en même temps lui évoque son Berne natal, donc lui rappelle des pratiques traditionnelles qu'il va retrouver après dans son Berne. Mais en fait, je pense que c'est une œuvre qui nous parle beaucoup de ce que nous sommes, en fait. Hein. Donc à la question « Sommes-nous tous les héritiers de Bourdieu ?», vous répondez oui. Alors, on l'est tous de manière différente. Hein. Je veux dire, on l'est forcément parce que c'est une œuvre qui a marqué pas seulement les sciences sociales dans leur ensemble, hein, c'est pas seulement la sociologie, parce que ça a marqué alors de manière différente, mais l'histoire, l'anthropologie, la science politique, les études littéraires, alors la philosophie, il y a pas mal de réflexions sur les rapports entre cette sociologie et la philosophie, même si peut-être qu'il y a encore des développements à faire. La linguistique aussi a été marquée par cette sociologie. Donc on peut plus discuter de certains sujets sans en évinçant en fait cette réflexion, même dans une attitude critique. Donc en ce sens-là, on est c'est devenu une norme. Les opposants. Non, c'est pas une norme. On peut critiquer, mais vous dites on peut plus discuter de certains sujets sans faire référence. Oui, c'est pas la question que c'est une norme, c'est que il a révolutionné certains domaines. Par exemple, le concept de capital culturel a révolutionné la manière de penser l'éducation dans les années 70 et a été introduit partout dans le monde pour penser l'éducation. Donc, on peut réfléchir aux indicateurs, on peut aux conditions de la comparaison, on peut critiquer ce concept, on peut dire il nous sert à rien, mais on peut pas faire comme s'il n'avait jamais existé. Voilà, c'est en ce sens-là que je dis que c'est les œuvres marquantes. C'est comme si on voulait faire de la sociologie sans discuter Max Weber ou sans discuter Durkheim. Enfin, je pense que il est en train d'acquérir un statut de classique, mais qui ne doit pas figer évidemment ni les interprétations ni les usages qu'on peut en faire, parce que ça doit rester une sociologie vivante, c'est-à-dire quelque chose qui sert à faire de la recherche et qui n'est pas figé. Voilà. Après, il y a des opposants très très. Vous êtes plutôt du côté très fidèle à Bourdieu. Bah, fidèle, oui. Enfin, si le terme, je sais pas si le terme convient. Comment vous décrivez? Disons que pour moi, ça a été un choix très fort dans ma vie, et je ne venais pas de nulle part, puisque j'avais un bagage philosophique, j'avais un bagage littéraire théorique assez solide. Donc, ça a été vraiment un choix intellectuel très fort, et ça le reste. C'est un choix que j'ai jamais eu et ni éprouvé le besoin de renier. Hein, même si je me rappelle, il était quand même assez attaqué en France à l'époque où j'ai fini ma thèse. Il m'avait donné le conseil que quand j'allais en audition, qu'il fallait que je le renie en public pour avoir une chance d'être recrutée. Moi, j'avais dit, mais c'est hors de question, on me prend telle que je suis. Voilà. Mais c'est l'homme ou sa méthode qui vous a tant plu? Ah, mais moi, je l'ai connu bien après l'avoir lu, parce que j'étais même pas en France, et donc Donc c'est pas sa personnalité, œuvre, c'est son travail. C'est d'abord son œuvre. J'ai connu l'œuvre bien avant de connaître la personne. Après, la personne, j'ai aussi, rencontré quelqu'un qui était, un vrai directeur de thèse, avec de la tension aux différences entre les étudiants, avec les faiblesses des uns, les forces des autres, la question du genre, par exemple. Il était attentif à ce genre de choses, que les filles parlaient moins ou qu'elles s'autorisaient moins à faire de la théorie ou des choses comme ça. Donc j'ai aussi rencontré après une personne, mais c'était pas mon premier mentor. Je veux dire, c'est celui qui m'a fait découvrir Bourdieu, c'était Itamar Evans-Zohar à Tel Aviv, et comme j'étais française, on m'a tout de suite impliquée dans les traductions et tout ça. Et voilà, donc. Ce qui est intéressant, c'est comme on parle de la distinction et du capital culturel, et cette distinction entre les différentes classes sociales qui composent une société. Bourdieu lui-même, et il l'a dit et redit et il l'assumait, faisait figure d'exception, puisque justement lui semblait avoir accompli, suivi une trajectoire qui n'était pas la reproduction du déterminisme. Pour qu'on comprenne bien ça ensemble, Gisèle Sapiro, je vous propose qu'on écoute un texte, un autre extrait de la distinction, dans lequel Bourdieu va distinguer différents groupes. Au fond, il y a trois groupes. Il y a le bourgeois, il y a les classes moyennes et il y a les classes populaires. Et chacun de ces groupes ou chacune de ces classes se définit en fonction des autres. Voici le texte lu par Hélène Losseur. L'intention de distinction apparaît avec l'esthétisme petit bourgeois, qui se définit contre l'esthétique des classes populaires, dont il refuse les objets de prédilection, thèmes des chromos, tels que paysages de montagne, coucher de soleil sur la mer et sous bois, ou des photographies souvenirs, première communion, monuments ou tableaux célèbres. Les nouvelles classes moyennes témoignent clairement, par leur refus distinctif, qu'elles possèdent la maîtrise pratique des relations entre les objets et les groupes, qui est au principe de tous les jugements de la forme « ça fait ». Ça fait petit bourgeois, ça fait nouveau riche, etc. Sans être en mesure de faire le coup de force consistant à déclarer beau les objets les plus marqués de l'esthétique populaire, une première communion, ou petite bourgeoise, la maternité, la danse folklorique. Les choix esthétiques explicites se constituent en effet souvent par opposition aux choix des groupes les plus proches dans l'espace social, avec qui la concurrence est la plus directe et la plus immédiate, et sans doute, plus précisément, par rapport à ceux d'entre ces choix où se marque le mieux l'intention, perçue comme prétention, de marquer la distinction par rapport aux groupes inférieurs. Cette distinction entre trois classes, Gisèle Sapiro, faut-il la comprendre comme étant une variation ou une application directe des classes telles que Karl Marx va les théoriser? Dans quelle mesure est-ce que Bourdieu applique, qui est un héritier lui-même de la pensée de Marx? Alors il est, d'une certaine manière, puisqu'il pense en fait en termes de classe, hein, il n'a jamais nié ce concept, et il pense surtout en termes de classes qui sont relatives les unes aux autres. Et ça, c'est vrai que c'était la pensée de Marx. Et puis, il reprend la notion de capital de Marx. Sauf que le capital économique ne suffit plus, 100 ans après l'œuvre de Marx, à expliquer les différences sociales. Et c'est là que Bourdieu introduit la notion, le concept de capital culturel, qui va différencier les fractions de classe, non plus en fonction du capital économique, mais en fonction justement de leur capital culturel, qui est lié au niveau d'études, mais c'est pas le seul déterminant du capital culturel. C'est aussi évidemment le capital hérité familial, qui d'ailleurs, dont il avait montré dans Les Héritiers, qui détermine aussi la réussite scolaire, parce que à l'école on valorise plus les dispositions héritées que finalement ce que les étudiants apprennent, les élèves apprennent en classe. Alors, cette distinction est très importante parce que ce qu'on peut constater, c'est qu'à revenus égaux, hein, même salaire, on va avoir des dépenses, si on observe les pratiques, les dépenses différentes. Si on parle de la petite bourgeoisie économique, elle va plutôt investir dans les voitures, l'électroménager. Et du côté de la petite bourgeoisie culturelle, on va investir plutôt dans les livres, les sorties culturelles, donc théâtre, musée, voilà. Donc déjà, ça, cette observation, cela, on ne peut pas la résoudre simplement par le concept de capital économique. Donc il introduit capital culturel, il va introduire aussi capital social, qui permet aussi de comprendre d'autres types de ressources qui sont mobilisées dans les rapports sociaux. Mais ce qui est important, c'est qu'il garde de Marx quand même la notion de lutte, sauf que cette lutte devient une lutte symbolique, une lutte de classement en fait, permanente. Donc plus la lutte des classes, mais une lutte de classement? Voilà, exactement. C'est une lutte de classement perpétuelle et qu'on entendait dans l'extrait précédent. Faut être le premier, faut être au-dessus. Faut être le premier, mais on peut reprendre, voilà, le tennis, pour garder le même exemple, a pu être dévalué, mais il suffit que de nouveau il soit plus largement pratiqué pour que tout d'un coup il puisse être revalorisé. Mais qui décide de ça? Comment le tennis va soudain devenir l'apanage des bourgeois ou au contraire de la classe populaire? Ça se fait comment? Voilà, alors c'est justement, c'est dans la pratique, il n'y a pas de décision, et ça c'est très important. C'est Bourdieu reprend cette notion de Wittgenstein, d'orchestration sans chef d'orchestre, où en fait les pratiques s'ajustent les unes aux autres, et ça n'est pas mécanique non plus, c'est très important. C'est aussi les horloges de Leibniz, hein, qui ont été réglées au départ. En fait, c'est les dispositions qui font que pratiques vont s'ajuster les unes aux autres, et donc par principe de distinction, ce qu'on entendait là, le parapluie c'est mieux que la cravate, bon voilà, alors ça tourne au ridicule évidemment, parce que c'est la critique du snobisme. D'ailleurs il y a des pratiques, si on les perpétue au-delà de leurs conditions après le changement, ça devient effectivement ridicule, et ça c'est ce que Bourdieu appelle l'effet Don Quichotte. Don Quichotte, c'est celui qui continue à fonctionner selon les normes des valeurs chevaleresques alors qu'elles ont disparu de la société, et donc il est forcément ridicule. Oui, mais voilà. Si un tel déterminisme culturel, il n'y a pas de possibilité de penser le changement, il n'y a pas de possibilité d'évolution de ces normes-là ou de la valorisation d'une activité plus qu'une autre. Ah, si, justement, c'est un changement perpétuel, c'est une dynamique de lutte perpétuelle. Ah, c'est dans la lutte que les changements. Voilà, et justement, c'est dans la lutte que les changements. Et là aussi, ça aussi, la retenue de Marx, c'est dans la lutte que les changements s'effectuent. Et notamment, et ça, il y a aussi dans le Marx du 18 Brumaire ou de la lutte des classes en France, il y a aussi ces rapports entre fractions de classe, chez Bourdieu on voit les luttes entre les fractions dominantes dotées de capital culturel et celles dotées de capital économique, et donc il peut y avoir des tensions. Par exemple, les fractions intellectuelles ou les fractions dotées de capital culturel vont avoir des pratiques distinctives par rapport à celles... il suffit de voir ce que dit Flaubert des bourgeois au 19e siècle pour avoir immédiatement l'image de la perception de bourgeois. Il l'aimait beaucoup, Flaubert, hein, Bourdieu. Il aimait beaucoup, il lui a consacré beaucoup de recherches. Il le tient pour l'inventeur, non, d'une forme de sociologie, d'ailleurs. Absolument, et il reconnaissait chez lui en fait cette espèce de lucidité sociologique extraordinaire, et puis aussi la posture flaubertienne du narrateur distancié, légèrement ironique, mais qui ne juge pas en fait ces personnages que Flaubert reprenait de la posture de médecin de son propre père, en fait, qu'il a introduit dans la littérature, mais qui n'existait pas avant lui dans la littérature française. Il reprend aussi de Goethe, parce que Balzac juge ces personnages, hein, il s'arrête et puis il les juge, Flaubert ne les juge pas. Et donc je pense que là, Bourdieu reconnaît un peu ce point de vue, et puis cette tentative d'avoir un point de vue des points de vue, en fait, de montrer les points de vue aussi avec le discours indirect libre, qui permet d'articuler la perception de l'espace social à partir de ces différents points de vue. Alors, forcément, quand on entend cette classification, la distinction entre trois classes dans la société, la manière qu'ont les goûts d'être l'expression d'une reproduction culturelle, sociale, économique, la première chose qui vient à l'esprit, je me mets à la place des auditeurs, on entend ça, forcément on pense à des exceptions. On se dit, ah ben non, regardez, telle personne a été éduquée par des parents très aisés ou très cultivés, et finalement il n'écoute que de la musique dite populaire, ou il n'a pas fait d'études brillantes. Ou, à l'inverse, et c'est le cas de Bourdieu, fils de petit fonctionnaire et petit-fils de paysan, il est né dans le Béarn et rien ne le prédestinait à faire une grande carrière, et le voilà diplômé de l'école normale supérieure agrégé, fondateur d'une grande école de sociologie. Alors que répond-on à ces exceptions? Que ce sont elles qui confirment la règle, Gisèle Sapir? Alors pour moi, la notion d'exception n'est pas une notion sociologique, de même qu'il n'y a pas de règle, on est dans une science probabiliste, en fait il y a des probabilités qui laissent beaucoup de marge de contingence. Mais on observe des corrélations statistiques assez fortes entre la position sociale, les origines sociales et les pratiques culturelles. Et c'est ça qu'il observe dans la distinction. Et c'est ce qui a été observé aussi par des études qui ont reproduit ça aujourd'hui. Par exemple, les travaux de Philippe Coulongeon. Donc on voit ces régularités. Alors, ce qu'on appelle des exceptions, on peut aussi les expliquer sociologiquement. Hein, donc, dans le cas de Bourdieu, effectivement, il y a une petite fraction statistiquement assez faible qui a bénéficié de la méritocratie scolaire et qui a pu faire une ascension sociale. Et donc, il a aussi une réflexion sur ces transfuges ou ce déclassement par le haut, hein, ces transfuges de classe qui vivent cette situation de porte-à-faux assez... difficilement, hein. C'est une expérience douloureuse. On voit ça aussi chez Richard Hogarth, cette difficulté d'endosser en fait ce changement de classe. Et il y a aussi du côté de la bourgeoisie des ratés de la reproduction qui passent par le système scolaire. Il le décrit très bien dans La Noblesse d'État, c'est-à-dire que le prix à payer parce que le système scolaire en fait apporte une sorte de sociodicée, enfin de justification de légitimation à la domination qu'exercent les fractions dominantes, parce que le diplôme serait la preuve des compétences, et il y a forcément des ratés. Il n'y a plus la reproduction. En fait, il dit qu'il n'y a plus de reproduction directe, comme il y avait sous l'Ancien Régime, où c'était les familles désignées l'aîné, qui était l'héritier, et puis les autres, il fallait s'en débarrasser, donc on en mettait les filles soit au couvent, soit mariées, les seconds, on en faisait des prêtres, enfin voilà. Donc, cette reproduction directe n'existe plus, elle est médiatisée par le système scolaire, et c'est l'autonomisation du système scolaire qui perturbe ce mode de reproduction et qui fait qu'il y a des ratés, du côté des dominants où on n'arrive pas, voilà. Donc encore une fois, on parle de déterminisme, mais c'est pas un déterminisme au sens des lois de la nature, hein. Ce sont des lois de probabilité, comme on en a dans la médecine, par exemple. Ça, c'est une question redoutable, hein, parce que ça oppose d'ailleurs deux écoles de sociologie, pour le dire assez schématiquement, la française, héritière de Durkheim, qui pense que le déterminisme sociologique et donc du collectif est très pesant sur les épaules de l'individu, et de l'autre, l'école dite allemande, dans la lignée de Max Weber, qui au contraire va essayer de réfléchir à ses influences à partir de l'individu. Bourdieu lui-même donc appartient à la première école, mais il ne cesse d'essayer d'aménager quand même un espace pour la liberté dans le déterminisme. Est-ce que c'est convaincant, Gisèle Sapiro? Alors, Bourdieu est quand même un des introducteurs de Weber en France dès les années 50. Il lit même Weber parallèlement à Durkheim. Enfin, toute sa sociologie de la culture est imprégnée de Weber, de la distinction prêtre-prophète, de la réflexion sur la légitimité, de ce que Weber appelle Stand, c'est-à-dire c'est ce statut. Il faut pas dire statut en français parce que c'est en français, justement, les statuts sont figés. Or, c'est ce que Bourdieu va traduire par, en fait, le capital symbolique. Moi, je souscris pas à cette opposition entre Weber et Durkheim. Je vois pas très bien où est l'individu chez Weber, ni dans l'éthique protestante, ni dans, je sais pas, le judaïsme antique. Enfin, il parle des petits prophètes, il parle. Enfin, je pense que ce sont des appropriations ultérieures de Weber qui ont servi certaines causes. Et l'opposition entre Weber et Durkheim, il y a des oppositions, il y a des différences. Weber est dans un débat spécifique en Allemagne qui est le débat des sciences de la culture contre les sciences de la nature et de la il introduit cette notion de sociologie compréhensive mais en fait il ne renonce jamais à l'explication Weber dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Il part des corrélations statistiques, c'est son point de départ avant d'aller dire mais pour comprendre ces corrélations je dois interpréter la signification. Pourquoi il y a un lien entre le protestantisme et le capitalisme. Et c'est là qu'il va travailler à partir de la méthode de l'idéal type, qui n'est pas une méthode individualiste, c'est une méthode compréhensive au sens d'essayer de comprendre la signification. Et c'est la même chose que Bourdieu fait quand il essaye de comprendre la signification sans approche essentialiste des phénomènes, la signification sociale, culturelle des pratiques et des comportements. Mais c'est toute la question, c'est de savoir dans ce cas, si même chez Max Weber il n'y a pas une pensée de l'individu, c'est ce que vous venez de dire, Gisèle Sapiro, alors quelle place pour l'individu dans la sociologie en général? Est-ce que c'est secondaire? Est-ce qu'on s'en fiche? Ou est-ce que c'est juste pas le sujet de la sociologie? Alors c'est tout à fait le sujet. D'ailleurs, Bourdieu est un de ceux qui a aussi introduit en France l'interactionnisme symbolique. C'est lui qui a fait traduire Goffman dans sa collection. Il s'est beaucoup intéressé à ce niveau micro. Il s'intéresse aussi à l'ethnométhodologie. Il a introduit, à une époque où la sociologie quantitative dominait les méthodes qualitatives, notamment l'entretien, il a introduit cette notion de trajectoire sociale en s'intéressant à des individus concrets, mais en essayant de rompre avec l'illusion biographique qui donnerait une cohérence à ses vies, c'est-à-dire que pour lui, les vies individuelles, elles prennent sens dans un espace des possibles. Et pour reconstituer cet espace des possibles, c'est pas juste je vais faire chaque étape de l'individu, je vais prendre sa carrière, je vais dire bon voilà, il a d'abord été en Cagne et puis après il a fait l'école normale supérieure et puis après il a été professeur à la Sorbonne. Voilà, c'est de comprendre quelles étaient ses chances de faire ces choses et comme par rapport à quoi il a fait ses choix. C'est en termes de possible. Voilà, il introduit la marge de manœuvre, ce qu'on pourrait appeler la liberté au fond. C'est le possible. Absolument, c'est la marge de manœuvre, la liberté. Alors c'est le grand débat la grande divergence entre Bourdieu et Sartre, il y a la fameuse scène sur le garçon de café dans L'être et le néant où Sartre dit en fait le garçon de café s'il voulait incarner sa liberté au lieu de s'identifier de plus en plus à son rôle, de faire corps avec son rôle et de rentrer dans une forme d'inertie, il devrait juste ne pas revenir à son travail le lendemain. Et Bourdieu s'insurge contre ça parce qu'il dit qu'il faut être Sartre assis dans son au café et se faisant servir par le garçon de café pour penser que le garçon de café a la même liberté que Sartre de s'émanciper de son de ce qui est une pratique. Et alors là, pour le coup, c'est la notion d'habitus chez Bourdieu est très importante parce que toutes ces pratiques, elles sont faites corps, elles font partie de l'individu. Et c'est pour ça aussi qu'il s'oppose à la notion de rôle de Goffman. Le garçon de café, parce que Goffman avait utilisé cette scène de Sartre pour parler des rôles. Et pour Bourdieu, c'est pas des rôles, c'est des habitus incorporés, enfin c'est des dispositions incorporées très profondément. On peut pas changer son corps aussi facilement que ça. Ça demande un immense travail. Voilà. Donc en ce sens-là, on a un espace de choix, mais il ne se présente pas de la même manière selon les origines sociales, selon ce à quoi on a été exposé. On parlait des exceptions ou des miraculés. Bon, bah souvent on voit dans le cas de Bourdieu. D'ailleurs, il faisait toujours beaucoup attention au capital culturel de la mère comme un des modes de transmission du capital culturel. Ça passait par la mère, mais souvent dans ces miraculés, on a des histoires où il y a un oncle, il y a quelqu'un dans la famille qui servait ou un ami de la famille qui servait d'exemple. Qui a permis à quelqu'un de la famille de sortir de la condition familiale. De quelle mesure est-ce que cette analyse-là s'applique à la question du goût ? Voici la réponse de Bourdieu, c'est une archive du 29 octobre 1979. On peut tuer pour des goûts. Enfin, bon, je pense qu'il y a une forme de racisme, ce que j'appelle le racisme de classe ou le racisme de l'intelligence, enfin, bon, qui est d'une violence extrême dans la mesure où les goûts sont, comme on dit, viscéraux. Enfin, et les goûts, c'est notre position dans les classements, devenu corps, devenu mot, devenu nous-mêmes. Bon, et ces goûts sont évidemment des dégoûts. Et il n'y a rien de pire que cette forme de dégoût des autres, enfin, qui est un dégoût, déclassement des autres, de leurs attitudes, de leurs pratiques, etc. Bon. Et je pense donc que nous sommes aujourd'hui dans une société qui se reproduit en grande partie par l'intermédiaire du système scolaire, pas seulement évidemment, bon, où les dominants se sentent légitimés dans leur domination, dans leur intelligence, enfin, bon, c'est-à-dire dans leur être, dans leur nature, et du coup le racisme de l'intelligence, je pense, devient une des formes les plus vicieuses, enfin, du racisme. Ils sont sympas tes amis. Ça a l'air tellement cultivé que je me sentais mal à l'aise. En tout cas, ça fait bonne impression. Surtout Joachim. Je fais quoi dans la ville ? J'ai pas osé me demander. C'est le plus grand galeriste de Lille. De Lille ? Ouais. C'est un mec, il est extrêmement cultivé. C'est un génie. Il connaît tout sur tout. Il expose que la crème de la crème. Je peux te dire que si un jour il m'expose, c'est la gloire assurée. Toi aussi, Adèle, ce serait bien que tu fasses quelque chose que t'aimes vraiment. Je travaille. Je sais, mais je te parle pas de ça. Je sais pas, t'écris vachement bien, par exemple. Pourquoi tu t'écrirais pas des trucs ? Même des petites nouvelles, des... Parce que je sais pas, j'ai toujours écrit que pour moi. C'est dommage de pas l'exploiter, c'est un talent gâché. Mais j'écris ce que je ressens, je vais pas écrire ce que je ressens aux autres, je vais pas leur livrer ma vie. Mais c'est pas une question de livrer ta vie, tu peux inventer des histoires. Mais si t'adores écrire des histoires. T'adores inventer des histoires, raconter des histoires aux enfants, par exemple. C'est un truc que t'aimes faire. Oui, mais pour les enfants, après, je sais pas construire de l'énigme. Puis même, c'est pas ça qui me fait... De toute façon, tu fais ce que tu veux. Mais je sais pas, je trouve que... J'aimerais bien que tu sois... Que je sois comment ? Je sais pas, que tu sois épanouie, que tu... Non, moi, je suis épanouie avec toi. Enfin, je trouve ça bien que tu sois là, que tu fasses la cuisine et tout, mais... Je sais pas, j'aimerais bien te voir heureuse. Mais moi, je suis heureuse. Je suis heureuse avec toi, je suis heureuse comme ça. C'est ma manière, moi, d'être heureuse, c'est tout. Quand dans le film La vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche, qui date de 2013, Emma reproche à Adèle son manque d'ambition, l'une est artiste et l'autre est institutrice, est-ce qu'elle est en train justement de marquer cet écart entre deux styles de vie, deux classes sociales sans doute, deux manières, deux capitaux culturels différents ? Et finalement, est-ce que c'est une manière de s'inscrire davantage dans un champ social en tentant de se distinguer de l'autre ? Est-ce qu'on peut l'entendre comme ça ? Vous l'avez entendu comme ça, Gilles Sapiro ? Ah, c'est vrai que c'est sous couvert de soins, de volonté de se préoccuper de l'autre, ce qu'on entend, c'est une violence symbolique inouïe, c'est-à-dire que elle nie tout ce qu'elle est. Et elle lui fait comprendre qu'elle n'existe pas tant qu'elle ne n'aura pas écrit, n'est pas dans la création en fait. Alors elle écrit, et là on voit bien, comment en fait tous les autocensures qui font alors doublement de classe et de femmes sans doute, qui fait qu'on ne peut pas même prétendre. Et ça fait partie de ce que Bourdieu analyse, c'est-à-dire les individus ont une notion de leur leurs limites, de ce qui leur est autorisé et au-delà de quoi ils se ridiculiseraient. Et même la prétention les expose face à eux-mêmes à une sorte de ridicule. Et ça, on l'entend très bien là dans cet extrait. C'est très fort de ce point de vue-là. Et voilà, et je pense qu'il y a une sorte d'aveuglement total à ça, de non-respect aussi. Bon, bah, c'est pas qu'elle ne fait rien, voilà. Et donc, une négation de ce qu'elle est. Et puis, on voit aussi, en fait, les valeurs propres à cet univers artistique, qu'est-ce qui fabrique la valeur symbolique, le galeriste, les chances d'accéder, en fait, à la reconnaissance par les intermédiaires culturels. Donc, c'est vrai que c'est très illustratif de la sociologie de Bourdieu. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'effrayant à analyser les choses à travers le prisme de ces déterminismes symboliques et qui consistera à passer à côté d'une forme de singularité qui peut faire aussi l'essence même de la création et de la créativité. Au fond, si chaque chose, là, on parle d'un milieu artistique qui est régi par telle codification, qui appartient à tel capital culturel, on a l'impression qu'on peut tout mettre dans des cases et qu'on passe à côté d'une certaine dimension de l'existence qui elle-même n'est pas classifiable et n'est pas quantifiable. Bah, à laquelle peut-être appartient le goût d'ailleurs et la création. Oui, non, le but de la recherche, c'est pas ça. C'est au contraire, c'est d'aller travailler de manière très fine sur les trajectoires sociales concrètes. Mais c'est une concrètes. Science. La sociologie, ça veut être une science. Mais c'est une science, justement. Mais je veux dire, à la différence, par exemple, d'une approche économiste qui va traiter les préférences, soi-disant des individus, mais de manière complètement abstraite, attribuer de manière automatique des préférences, ben là, c'est pas le cas. Au contraire, on va étudier des individus empiriques et c'est ça tout le concept de champ chez Bourdieu, c'est la rencontre d'une trajectoire et un champ en fonction des dispositions. Donc dans le champ littéraire, moi j'ai beaucoup travaillé sur le champ littéraire, les chances en fait de devenir ou de choisir telle ou telle esthétique, elles sont quand même liées à ces dispositions. Donc c'est pas non plus, encore une fois, moi je n'utilise pas le terme déterministe, je parle de détermination sociale. Et détermination sociale, ça veut dire que l'espace des possibles est réduit, ça n'empêche pas de réaliser des choses, mais ça veut dire qu'on a plus de chances de faire telle chose que telle autre. On a plus de chances, on a entendu les goûts et les dégoûts, on a plus de chances d'aimer de la musique contemporaine si on a certaines propriétés sociales et pas d'autres. Voilà, et c'est vérifié statistiquement. Mais après, on peut faire un travail très fin. C'est pas essentialiste, c'est ça que vous dites. C'est jamais essentialiste, voilà. Mais en plus, Bourdieu est quand même un des sociologues qui a développé l'usage des méthodes mixtes, c'est-à-dire à la fois les statistiques, mais aussi justement des enquêtes approfondie par entretien, par observation, justement pour comprendre le système de valeurs des individus, leur subjectivité, enfin le point de vue à partir duquel ils parlent. Et ça, c'est indispensable pour comprendre leurs choix, leurs pratiques, et leur orientation, leur sens du placement, leur voilà. Donc, on parlait de comment se différencie entre classes. Donc, c'est vrai que dans la distinction, la grande question qu'il pose, c'est que Kant n'a pas posé, parce que donc Kant définit le jugement esthétique comme un jugement sans concept, subjectif et désintéressé. Donc désintéressé, ça veut dire ni utilitaire, enfin pas orienté vers l'utilité, ni tourné vers l'agréable, l'agrément physique. Et ce moment-là correspond au moment de la première autonomisation, justement, des institutions culturelles, des musées, et à l'émergence de cette, on peut dire, ethos esthète qui se distingue des pratiques ostentatoires de la noblesse ou des pratiques de la bourgeoisie. Donc, par exemple, on va non plus acheter une œuvre d'art parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, le mode de consommation, c'est plus l'appropriation, mais c'est la contemplation dans un musée, contemplation qui est cette attitude justement désintéressée que d'ailleurs qui provient de la religion, hein, qui est transposée de la religion à l'art et qui correspond aux dispositions ascétiques que développe cette bourgeoisie intellectuelle, d'ailleurs plus en Allemagne dans la fin du XVIIIe, tout le cercle autour de Goethe, enfin tous les théoriciens en fait de l'esthétique, et c'est ça que Kant théorise. Mais la question Kant surtout emploie un terme que vous n'avez pas employé, qui est celui d'universel. Alors chez Bourdieu, les jugements peuvent pas être universels puisqu'ils sont quantifiable en termes de classe. Alors justement, ce que Bourdieu reproche en gros à Kant, c'est de ne pas avoir interrogé les conditions sociales l'émergence de cette compétence esthétique et de ce jugement. Donc, il prend pas l'universel au fond. Bah, il croyait beaucoup à l'universel. Enfin, mais en même temps, pas du point de vue des dispositions sociales. C'est-à-dire, ça, on peut pas nier qu'elles sont pas universelles. Il y a des compétences universelles, mais ces compétences, elles dépendent de la socialisation. Enfin, la différence de socialisation et d'éducation fait que forcément, cet universel, à part être des êtres humains et c'est tout le sens de la méthode transcendantale de Kant. Donc, s'il n'est pas d'accord avec ça, il est non, mais bien sûr, spéciale de Kant. Absolument, absolument. En même temps, il a beaucoup emprunté à Kant. Il y a d'ailleurs une notice très détaillée dans le dictionnaire, très longue sur Kant, parce qu'il a beaucoup nourri de la pensée de Kant, mais il l'a. D'ailleurs, même Durkheim est un néo-kantien, hein, donc la pensée de Kant, elle est déjà, ce qui n'est pas le cas de Weber. Mais Bourdieu, c'est très fortement. C'est un Durkheimien combiné avec Marx et Weber, mais il s'est beaucoup aussi inspiré d'un autre néo-kantien qui est Cassirer, sur les formes symboliques. Donc ça a été extrêmement important. Mais Cassirer lui-même pense les formes symboliques comme des langages, enfin des manières de concevoir le monde différentes et incompatibles entre elles. Tout en ayant une pensée. Et puis il pense l'émergence de la perspective au moment de la Renaissance. Donc il y a quand même un changement des modes de perception du monde. Chez Kant, c'est une abstraction, en fait. C'est effectivement l'espace-temps, ce sont des catégories. Mais les contenus sociaux, culturels, ils varient. Alors, qu'en est-il de cette notion de racisme de classe? On a entendu l'archive de Bourdieu. Le terme est très, très fort. On parle aujourd'hui de mépris de classe. C'est la même chose. Racisme semble plus fort encore. Tout à fait. Et d'ailleurs, il a, dans Question sociologie, il y a le dernier chapitre s'intitule Le racisme de l'intelligence. Et il développe le fait que c'est la forme la plus invisible de racisme et qui s'exerce quotidiennement en permanence. Et c'est bien ce qu'il décrivait dans cet extrait qui est très fort parce que effectivement, le goût se forme par l'exclusion, le mépris, le dégoût. Donc on peut tuer pour dégoût, disait-il. Oui, au nom du goût. Bah ça s'est vu quand même. Enfin, l'art dégénéré sous le nazisme. Enfin voilà. Donc ça correspond aussi à des les autodafés. Enfin ça correspond à des. C'est pas le goût qui justifie le crime dans ce cas-là. C'est une idéologie supérieure au goût. Bah, c'est une idéologie, mais qui considérait que c'était une esthétique dégénérée. Donc c'est aussi une question de goût. Et puis quand on sait quand même que Hitler était un peintre raté, ça a quand même un sens. Donc racisme, ça veut dire que là on est au-delà de la classe. On est dans la. Alors là on est. Race. Voilà, là je suis d'accord. C'est là il y a un racisme tout court, enfin comme on le connaît, mais il y a aussi une esthétique. Mais racisme de l'intelligence. Et d'ailleurs là c'est peut-être une sorte d'inversion. Hein, c'est aussi dans le cas du nazisme, puisque c'est peut-être une sorte de revanche d'un certain goût. Petit bourgeois, mais c'est vrai que les idéologies, enfin, ont toujours défendu des esthétiques réalistes parce qu'elles sont plus contrôlables, mais le racisme de l'intelligence, c'est quelque chose qui traverse. Alors, les sociétés avec classe, parce qu'elles sont moins. Enfin, il y a des sociétés où justement la distinction n'est pas forcément la norme, où des sociétés non différenciées, enfin où il y a une norme commune de pratique, ça sera pas forcément. Lesquelles, par exemple? Dans les, je sais pas, des sociétés d'organisation tribale, ou enfin voilà, où on partage des pratiques culturelles, religieuses, où c'est pas forcément différencié d'ailleurs. Donc là, ça sera pas bon. Évidemment, il y a la différence entre celui qui exerce, enfin celui qui sait, qui détient les pratiques, et puis les profanes. Hein, donc toujours. Mais donc là, il y a une hiérarchie aussi qui est une forme de hiérarchie, comme la hiérarchie intellectuelle. Mais il y aura moins de. Il y a des sociétés qui sont pas organisées en classe, hein, sociétés traditionnelles. Donc voilà. Donc mais dans les sociétés de classe, et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui reste en fait de parce qu'on on se pense comme des sociétés égalitaires, et je pense que c'était ça aussi ce qui a d'une certaine manière choqué qu'à distinction, c'est de voir que dans ces sociétés prétendument égalitaires où tout le monde aurait des chances équivalentes et que c'est seulement le mérite individuel qui va assurer la distinction, Bourdieu montre qu'il y a des conditions sociales, et le racisme de l'intelligence, c'est une manière de d'affirmer ce privilège comme un don naturel, comme quelque chose d'inné, alors que c'est complètement socialisé. Vous parlez des critiques qui a suscité la distinction au moment de sa parution. J'ai sous les yeux un article de Philippe Reynaud qui écrit « Pourquoi ce succès critique de la distinction ? Comment se fait-il qu'on ait vu la plupart des responsables socialistes présents communier dans l'admiration pour un tel concentré d'idéologie compagnon de route ? Une hypothèse ne nous semble pas devoir être écartée. Critique de la culture savante, la distinction est aussi un livre d'intellectuels pour intellectuels dont la compréhension requiert la maîtrise symbolique de la culture légitime en même temps qu'elle procure la satisfaction de la distance critique à son égard. » Ce à quoi Bourdieu va répondre, voilà qu'Esprit, parce que c'est dans la revue Esprit qu'est paru cet article de Philippe Reynaud, me fait une fois de plus la leçon, car c'est bien d'une leçon qu'il s'agit, une leçon de morale, bien sûr, mais aussi une de ces terribles leçons d'agrégation où, prêchant des convertis, on est sûr de s'attirer l'approbation en vouant aux enfers, par quelques anathèmes théoriques, les sciences humaines et leur prétention à réduire l'irréductible, à expliquer l'inexplicable, le sujet, la personne. Mais je dois dire, Philippe Reynaud marque un point lorsqu'il dit c'est un livre d'intellectuel pour intellectuel. C'est sûr que c'est pas un livre qui va être lu par les personnes auxquelles peut-être Bourdieu voudrait s'adresser. Ou alors est-ce qu'il s'adressait qu'à ses collègues, Gisèle Sapiro ? Alors Bourdieu, il avait des formes différentes d'expression. Hein. Il y avait les livres les plus théoriques. Il y avait des livres qui étaient plus fondés sur des recherches empiriques. Et d'ailleurs, la distinction a eu quand même un très gros succès médiatique. Donc, enfin, il y a eu des débats télévisés. Donc il y a aussi des formes, bon là on est à la radio, donc des formes de diffusion, de dissémination de ce qui peut être l'aboutissement de 15 ans de recherche dans son cas, qui permettent de faire passer le message, et le message est d'ailleurs passé sans forcément devoir avoir lu Kant. D'ailleurs, il explique très bien qu'on peut très bien, enfin il explique à la fin, on peut lire ce livre sans avoir lu Kant, et la réception témoigne du fait que ça a largement dépassé, et même le concept de capital culturel, il est rentré dans le sens. Il faut quand même avoir un certain bagage intellectuel pour lire Bourdieu. Voilà, alors absolument, et même pour les étudiants, c'est pas toujours facile, mais donc et Bourdieu avait aussi, il était très didactique, et donc il a pour entrer dans l'œuvre, on peut commencer par question de sociologie, par exemple, où il y a une sorte de condensé, en fait, mais qui c'est des formes plus oralisées, où il n'y a pas cette écriture très complexe, très structurée, de surtout de cette époque. Et puis, il a aussi, avec le temps, pas simplifié, mais il a adopté une écriture plus fluide et plus accessible. En tout cas, pour entrer dans son œuvre, si vous n'avez jamais lu aucun livre de Bourdieu, chers auditeurs, vous pourrez lire le Dictionnaire international Bourdieu aux éditions CNRS qui paraîtra dans quelques semaines. Merci beaucoup, Gisèle Sapiro, d'être venue nous parler de la distinction chez Bourdieu ce matin. On se quitte avec Des pauvres riches, c'est une chanson de TTC. What you hear is the sound of the word decision, a cutting away of doubt, making up one's mind. Jean-Louis Baptiste a arrêté ses études à 20 ans, terminale, il décide de tout plaquer. Décision intelligente, il échouerait au bac pour la troisième année consécutive. Il cultive la fainéantise, il butine à la paresse collective et sèche les cours avec ses potes dans sa piole. Il habite tout seul depuis sa majorité, 56 mètres carrés à proximité du marais, c'est sa zone. En plus d'être égoïste, il boit et fume depuis l'âge de 13 ans. Peut-être qu'il se tape un gros fixe, mais non, et avale un petit truc qui te scotche les dents, puis s'arrache sur sa trottinette. JLB a rendez-vous avec une pute tchatchée sur internet, le village planétaire, son tarif est excentrique. Mais monsieur a quelques briques sur son compte, donc il peut se la raconter avec ce visage qui a l'air d'être refait. Passons, ce garçon est une caïra, avec ses darons aucun respect, c'est une espèce néfaste. Il a ce style paumé pour essayer de gommer son côté friqué, mais son attitude n'est tout simplement pas naturelle. putain c'est la merde. Pourquoi tu dis ça? Chez moi c'est la misère. Ah ouais, t'as trop raison. Ici c'est la galère. Reprends du champagne man, de toute façon ce week-end on se barre sur la côte. Yo, les vacances écolo, Saint-Paul en vélo, hollandais, tu connais les magasins bio. L'huile d'olive aux herbes de Toscane, une nouvelle pile de livres importée de Boston. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question aujourd'hui est la suivante. L'atomisme est-il une philosophie encore valable? Alors il y a quelques mois, quelqu'un avait lancé sur Twitter le concours suivant. Toute la science a disparu. Quel serait le tweet qui permettrait de la reconstruire en totalité? La réponse la plus populaire était la suivante. Les atomes existent. Je crois pourtant, au fond de moi, que la seule chose à laquelle nous ne croirons jamais, c'est à l'existence des atomes, à l'idée que des variations de quantité, nombre de protons, de neutrons et d'électrons suffiraient à définir des variations de qualité, à l'idée que le désordre ou l'ordre apparent des choses ne serait dû qu'à des atomes alignés en position cristalline ou bouillonnant sur la mer agitée du mouvement brownien. Toute la physique, pourtant, le proclame, la physique comme épopée réductionniste, aussi loin que vous irez sur les anneaux de Saturne dans le fond des trous noirs, entre les synapses des humains, vous tomberez sur de rugueux atomes, le tapis brosse de la réalité sur lequel on aurait écrit, avec une certaine ironie, le mot « bienvenue ». Vous voulez dire que si l'atomisme est incontestablement robuste, il manque un peu de charme? C'est ça, l'atomisme est hospitalier mais un peu rustique, ça manque un peu de chatoyance. Alors le récit concurrent ou inverse du réductionnisme, sans ranger tout à fait les atomes au magasin des antiquités, fait appel au concept plus onctueux d'émergence. À chaque niveau de la réalité, des propriétés nouvelles feraient leur apparition. La fraîcheur n'est pas une propriété de l'oxygène ni de l'hydrogène, mais une propriété de l'eau. La douceur d'une main n'est pas une propriété des atomes de carbone qui la composent. On traverse ce monde émerveillé comme des batteurs à œuvre dont les mouvements transforment la matière glauque et visqueuse en neige éblouissante. Ah oui, c'est plus poétique déjà. Poétique, justement, comme Novalis, le poète allemand, ingénieur dans les mines de houille et de sel de la Saxe, qui a justement passé sa courte vie à tenter de concevoir quelles pourraient être les propriétés futures encore non advenues des choses. La poésie, dans cette perspective, pourrait jouer littéralement le rôle d'un laboratoire de physique où l'esprit délié du poète partirait à la rencontre, sur la crête du monde, des propriétés encore inadvenues de la matière. Il serait alors tenté de les confondre avec la vie. Les seuls atomes que le poète serait disposé à admettre sont ses propres idées et impressions. Là serait le vrai matériel du monde, sa houille et son sel véritable. La poésie de Novalis serait alors comme une réfutation de l'atomisme? Alors j'aime bien l'idée, oui, que ce n'est pas au LHC, pas autour d'un accélérateur de particules, que doit se régler la question de l'atomisme. Après tout, c'est par un poème que Lucrèce lui a donné sa forme la mieux achevée dans les 7400 hexamètres du De Rerum Natura. Et c'est peut-être Baudelaire, de l'autre côté du temps, qui l'a le mieux réfuté, cet atomisme, qui a, dans quelques-uns de ses meilleurs poèmes, écartelé les atomes pour entrevoir à travers eux l'existence d'un monde qui ne leur devrait plus rien. C'est toute la dynamique, par exemple, de la merveilleuse charogne. Tout cela descendait, montait comme une vague, où s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps enflé d'un souffle vague vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique comme l'eau courante et le vent, où le grain qu'un vaneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir, sur la toile oubliée que l'artiste achève seulement par le son. La chose qui se décompose, les grains emportés de la matière, la mort elle-même, soudain, cesse de tomber de cette chute qui était chez Lucrèce le dernier mot de la matière. Et donc, pour répondre à votre question initiale, l'atomisme ici cesserait d'être valable? Une physique nouvelle apparaît en tout cas dans cette ébauche abandonnée, un nouveau paradigme, une ontologie inexplorée, devant la charogne, face à la mort dans ce qu'elle a de plus plat, de plus rêche et de plus atomique. Baudelaire parvient, paradoxalement, à faire traverser à la vie, au concept fragile et émergent de la vie, le rideau glacé des atomes. Merci Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Oh là, Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aident chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Clara de Giovanni avec Manon de la Selle, Avril Poignant-Le Goff, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda à la réalisation, Hélène Losseur à la lecture des textes, Baptiste Lénard à la prise de son. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour d'une question: sommes-nous tous les héritiers de Bourdieu? Demain, on se demandera si l'État nous manipule. Avec Bourdieu et en compagnie d'Étienne Aulion. Et j'en profite pour vous annoncer qu'il y aura une présentation du Dictionnaire international de Bourdieu, coordonnée par Gisèle Sapiro, qui était mon invitée aujourd'hui. Ce sera le 29 octobre à 19h à la librairie Petite Égypte, en compagnie de Sylvain Bourmeau, qui produit la suite dans les idées sur France Culture. Donc d'ici demain, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez vous abonner au téléchargement, au podcast, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et l'équipe vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. On est toujours ravis de lire vos commentaires. À demain, 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.